بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 95، 94 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى أو يطول ويطول ما ويكسر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين ويطول في الأولى ويكسر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى وفي صلاة الصبح يكسر في الثانية. سلوم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم lisait dans les deux premières rakat de la salat du dhuhr par al-Fatiha et ajouter deux sourates. C'est-à-dire la première rakat al-Fatiha après une sourate. Deuxième rakat al-Fatiha après une sourate. Il l'allongeait dans la première rakat et il faisait plus court dans la deuxième. Et il nous faisait entendre parfois un verset. C'est-à-dire quand il restait à voix basse, car la salat du dhuhr est à la voix basse, et des fois il prononçait un verset ou deux pour que les gens l'entendent. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين ويطول في الأولى ويكسر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكذلك il faisait pareil pour le عصر. Il lisait le Fatiha plus une sourate dans la première rakat, après la deuxième rakat le Fatiha après une sourate, et dans les deux dernières rakat de l'عصر il faisait que le Fatiha sans rien rajouter. وكان يطول في ركعة الأولى وفي صلاة الصبح ويكسر في الثانية. Et lorsque la salat du sobh, il faisait la première rakat plus longue que la deuxième. Dans la salat du sobh, la première rakat, il la faisait plus longue que la deuxième. Yaqulu fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen, rahmallahu ta'ala. Arawi Abu Qatada, radiallahu anhu. Donc le rapporteur, c'est Abu Qatada, dont on l'a déjà parlé auparavant. Yaqulu fil sharh al-ijmali ibn al-hadith. يخبر أبو قتادة رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر والفجر بأنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورة في كل ركعتين، ويجهر بالآية في بعض الأحيان ينبه الغافل ويبين أنه يقرأ وليس بساكت. Donc Abu Qatada nous informe à propos de la récitation du Nabi صلى الله عليه وسلم que dans le Dhuhr et dans le Asr et dans le Fajr, qu'il lisait dans les deux premières rakat Al-Fatiha, avec chacune avec une surah. Première rakat Al-Fatiha, une surah, et deuxième rakat Al-Fatiha avec une surah. La différence que le Dhuhr, le Fajr, c'est à voix haute. Mais le Dhuhr et le Asr, elles sont toutes les deux à voix basse. Et que parfois, il laissait entendre un verset. C'est-à-dire, dans la salade silencieuse, des fois, il levait sa voix pour faire entendre un verset. Afin de pouvoir rappeler à l'inattentif, celui qui ne fait pas attention, et également pour montrer qu'en réalité, il n'était pas silencieux, mais qu'il récitait. Des gens pourraient se dire, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Et à ce moment-là, il faisait entendre un ou deux versets, parfois, pour faire comprendre aux gens qu'il récitait le Coran, à ce moment-là. وأنه كان يطول في الركعة الأولى ليدركها من لم يأتي بعد وليكون المصلين أقوى نشاطا أو نشاطا. Et que dans la première rakat, il faisait plus long en général, afin que justement la personne puisse rattraper si elle arrive en retard, et également du fait que celui qui fait salat, dans la première rakat, il a plus d'énergie en général. وكذا كان يفعل في صلاة العصر وفي الفجر يطول في الأولى ويكسر في الثانية. Et il faisait également de même dans la salat du Asr et du Fajr. La première rakat, il la faisait plus longue que la deuxième. Amma fi rakatayn al-ukhrayayn min salat al-dhuhr wa al-'asr, fala yazidu ala qira'at al-fatiha. Et quant aux deux dernières rakat qu'il faisait dans al-dhuhr wa al-'asr, et même le 'isha d'ailleurs, même le 'isha, il n'a rajouté rien d'autre que al-fatiha. Et même le maghrib, la troisième rakat du maghrib, il n'y a dedans que al-fatiha. C'est-à-dire qu'en fait, à comprendre qu'on rajoute une sourate que dans les salades, dans les deux premières rakat. Toutes les salades dans les deux premières rakat, on rajoute une sourate avec Al-Fatiha. On rajoute une sourate, yani avec Al-Fatiha. Et les autres, non. Yaqul fi fawaid al-hadith. أصلا موجود حديث مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعات من الركعتين الأوليين في صلاة الظهر والعصر. كل اللي يجي في غير دولي عبك لفاتحة إن سورات دوشك ركعة parmi les deux premières rakats de salat du dhuhr et du asr. Et on a dit également le fajr, et également le maghrib, et également l'aïcha. Je ne sais pas pourquoi le chien ne l'a pas cité ici. Thaniyan, mashruyati tatwil, rakat l'oula, à la thaniya, fihima, ou fi salat al-fajr. Qu'il est légitime de rallonger la première rakat par rapport à la deuxième, dans la salat du fajr. مشروعية الاقتصار على الفاتحة في ركعتين الأخريين في صلاة الظهر والعصر. Qu'il est légiféré de se limiter à ne réciter que Al-Fatiha dans les deux dernières rakat à fond de la salat du dhuhr et du l'asr. Et également du isha. رابعا مشروعية الإصرار في قراءة صلاة الظهر وكذلك العصر كما في أحاديث أخرى. Et que il est légiféré aussi de faire à voix basse lors de la salat du dhuhr et du asr. On récite à voix basse, on n'entend pas l'imam. Comme cela a été prouvé dans d'autres hadiths qui ne sont pas cités ici. Khamisan jawaz al-jahr bi ba'd al-ayat fi salati sirriya ahyanan, et qu'il est permis parfois de laisser entendre un verset lors des salats silencieuses. Parfois. Wa kadha. Fa hadha alladhi akhadhna al-yawm. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.